tu m'as dit, je veux t'épouser. J'ai cédé. Tu as pris Josette dans ta voiture et tu as dit, tu vas l'épouser. Oh, Zoua, tu vas l'épouser. Toutes les femmes qui montent dans ta voiture, tu vas épouser. Tu vas épouser combien de femmes? Combien? Tu veux prendre les enfants du bon Dieu comme des canards sauvages, hein?